Vous faites voir il y a un fantôme. Je vais dire à quel eau et à quel comment il est. 88 et n'a pas l'envoi. Bolo et à calé, à n'y a ni à l'issé. Kosouye kao et kassima il est. noche.